C'était une chance qu'elle soit là le jour où ça s'est produit. Merde. Le vieux est mort en lui donnant la main. Ça avait peut-être été le moment le plus tendre de toute leur histoire. Ce n'est pas le premier qu'elle voit clamser, mais ça fait quelque chose. Elle avait pensé, ce n'est que ça. C'est tout. Ce n'est rien du tout, mourir. On s'en fait tout un cinéma, mais quand ça arrive, c'est juste une légère détente. Bordel. Ce qui peut être pressé dans les hôpitaux, une fois que c'est constaté, de libérer le lit, ce n'est pas l'empathie pour ceux qui restent qui les étouffe. On a beau savoir que pour eux, c'est juste de la paperasserie, qu'ils en voient tous les jours, qu'ils sont surmenés, que c'est la crise et qu'il serait criminel d'occuper une chambre alors qu'on est officiellement décédé, on a quand même envie d'en coller un au mur quand il commence à s'activer pour ne pas perdre de temps avec un macabé. Ils ne lui ont pas laissé 5 minutes de tranquillité. Sur le coup, ça l'a choquée. Elle n'a pas gueulé. Mais depuis, les images la poursuivent. Ils se sont jetés sur le corps froid comme si c'était plus rien du tout déjà. Pas plus important qu'un vieux frigo tombé en rade. Près de 15 ans avec ce con, à l'écouter ronfler toutes les nuits. Et ce soir, elle n'allait pas l'entendre remuer la maison. Ils auraient pu lui laisser un peu de temps. Question de décence. Elle avait beau répéter le contraire à tous les gens qui voulaient bien l'écouter, leur cohabitation, ce n'était pas seulement une question d'économiser un loyer et de partager les frais de chauffage. À leur façon, ils ne s'entendaient pas si mal. C'était un gueulard, c'était un bagarreur. Elle pouvait lui balancer un pack de 12 en travers de la gueule. C'était pas le genre à se plaindre. Elle aplatit un sac en plastique rose. La matière est si fine qu'on peut voir à travers. Elle tire d'abord sur les anses pour qu'il prenne bien sa forme, puis le plie en deux au milieu, puis en trois dans le sens de la hauteur, et elle le range avec les autres. Maintenant que dans les magasins, on ne donne plus les sacs gratuitement, sa collection prend de la valeur. Charles, raffolé de la télé-réalité, plus l'émission était conne, et plus il était content. Quand il tombait sur un programme où on exhibe des gens qui vivent en accumulant des objets, qui rechigne à jeter ce qui peut encore servir, ce qu'on appelle les diogènes, il s'étouffait d'une quinte de tout tellement il était pressé de brailler. Viens voir la grosse, viens voir comment on va finir si je te laisse faire comme tu l'entends. Et après ça, pendant 3 jours, il passait derrière elle en surveillant ce qu'elle stockait. Il l'appelait Didine, diminutif de Diogène, et essayait de la forcer à acheter des emballages et d'autres choses potentiellement utiles. Mais ce n'est pas elle qui a un toc, comme ils appellent ça. C'est le monde qui l'entoure qui débloque à plein tube. Qu'est-ce que c'est que cette manie de tout foutre à la poubelle. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est raisonnable. Micro ouvert. Bonsoir à tous et à toutes. On va commencer sans tarder et laisser les derniers entrer calmement. Bienvenue à Passaporta, la Maison internationale des littératures de Bruxelles. Tout d'abord, merci à Virginie Despentes d'avoir accepté notre invitation à venir lancer avec nous cette deuxième édition du Choix Goncourt de la Belgique. Et bienvenue à vous, les étudiants de 10 universités différentes, c'est assez rare pour être souligné, pour ce lancement. Je vais lancer la discussion, je vais commencer par une brève introduction et puis poser quelques questions, mais surtout, sentez-vous à l'aise de prendre la parole, de poser aussi des questions. Cette rencontre, c'est pour vous préparer à ce travail de juré qui vous attend jusqu'en décembre. Donc, vous le savez sans doute, les choix Goncourt existent dans différents pays, 11, j'ai vérifié. Donc la Belgique, l'Espagne, la Serbie, l'Italie, la Roumanie, il y en a beaucoup. Il existe même un choix Goncourt de l'Orient. Et depuis l'année dernière, à l'initiative de l'ambassade de France, de l'Agence universitaire de la francophonie et de l'Alliance française Bruxelles-Europe, en partenariat avec Passaporta, la Belgique a donc le sien. Nous sommes ravis de voir que pour cette deuxième édition, nous avons encore plus d'étudiants volontaires et une université supplémentaire puisque Liège nous a rejoints. Est-ce que Liège est dans la salle ? Ah, Liège est là. Bienvenue à vous. Il y a, alors j'ai regardé aussi, donc c'était il y a un an, jour pour jour, Pierre Assouline était parmi nous pour lancer ce nouveau prix en sa qualité de membre concours, de membre de l'Académie Goncourt, comme l'est aussi Madame Despentes. Et il nous a entretenu de qu'est-ce que c'est être un juré. Donc vous allez avoir la lourde tâche de délibérer, de départager 15 livres, ceux qui sont issus de la première sélection du Goncourt qui a été révélée le 6 septembre. Vous les avez, si je ne m'abuse, tous reçus, sauf un qui vous sera distribué à l'issue de cette rencontre. Je ne vais pas les rappeler parce que notre temps est compté, mais donc il y en a 15. Pardon, excusez-moi. Et je vais m'adresser tout de suite à vous, Madame Despentes, avec une première question. Donc on le sait, vous êtes l'auteur de l'incontournable trilogie Vernon Subutex, dont le dernier tome est paru au printemps, mais vous êtes aussi l'auteur d'autres livres importants comme Baise-moi, Les jolies choses ou King Kong Theory. Vous êtes également réalisatrice et donc depuis 2016, membre de l'Académie Goncourt, un rôle que vous avez accepté d'emblée. Donc quand on vous a appelé pour vous dire que vous étiez élu, c'est comme ça que ça s'est passé ? Bonsoir. Oui, un jour, en fait, on appelle avant de vous dire que vous êtes élu pour savoir si ça vous intéresserait d'être élu. D'accord. Donc, vous avez dit... Oui, tout de suite, oui. Parce que c'est quelque chose qui vous semblait une évidence, une nécessité ? Une évidence, non, parce que c'est quand même surprenant que... Je rejoins l'Académie Goncourt, donc non, c'était pas une évidence, mais parce que c'est vrai que le Goncourt en France, c'est une sorte de je sais même pas comment qualifier ça, parce que c'est au-delà du prix littéraire, c'est presque un fantasme collectif, donc ouais, quand on m'a proposé d'en faire partie, ce qui m'a décidé à le faire, c'est que j'ai fait l'expérience. Il y a une institution en France qui s'appelle le CNC, que vous avez en Belgique aussi, qui aide à donner des aides à des films. Mm-hmm. Je fais partie du CNC pendant 3 ans et j'ai découvert au CNC que j'aimais beaucoup lire énormément. Je lis beaucoup de toute façon, mais que cette somme le fait d'organiser toute une journée pour avoir un peu de temps pour la lecture, en fait, me plaisait beaucoup et que ça me plaisait aussi beaucoup de parler avec d'autres gens de ce qu'on avait lu. Parce que j'ai découvert que c'est sincère, on n'est vraiment pas d'accord, on lit pas, on n'est pas du tout les mêmes décodeurs des textes, et que ça m'a vraiment intéressé en fait de découvrir la façon que les autres avaient de voir des textes, soit similaires, soit totalement différents de la mienne. Donc quand on m'a proposé le Goncourt, ma qualité première, je pense, bon déjà c'est d'être différente, je pense quand même des autres jurés du Goncourt, et je pense que c'est intéressant qu'on soit différents les uns des autres, mais aussi c'est que j'ai vraiment une capacité de lecture et un vrai goût pour une lecture, parce que c'est un véritable marathon, en fait. Pour quand on est juré Goncourt, c'est vrai que juin, juillet, août, c'est vraiment, on essaye de lire à peu près. On ne peut pas lire un roman par jour, mais c'est à peu près ce qu'on essaie de faire quand même, parce qu'il y a plus de 300 romans qui sortent. Et qu'on essaye de. Et j'ai l'impression qu'on essaie de le faire avec sincérité, d'en lire le plus possible. On ne lit pas les 300 à nous tous, on est 10, on ne les lit pas tous, mais on essaie de couvrir le plus possible, en tout cas de les ouvrir, d'essayer de voir s'il y a quelque chose qui peut. Qui peut nous plaire, nous parler, qu'on a envie de défendre. Oui, parce que là, c'est vrai que donc, les étudiants, vous avez 15 livres à lire en 2 mois et c'est déjà pas rien, on est bien d'accord là-dessus. Je vois des sourires là d'ailleurs d'un coup. Mais vous, en l'occurrence, c'est toute la rentrée littéraire sur 3 mois. Ça veut dire que chacun arrive avec ses lectures, chacun dit aux autres, ça, tu peux pas le louper. Il y a aussi des vétos, j'imagine. Il y a aussi, voilà. Et de là, vous sortez une liste de 15 qui n'est pas forcément définitive. On a déjà vu des titres rentrer après, mais qui est a priori indicative. Au Goncourt, la première liste est définitive. Ah. Je peux vous dire que les règles au Goncourt, on ne les change pas comme ça. Donc au Goncourt, la première liste est définitive. Et ce qu'on fait, c'est que pendant tout l'été, ça commence dès fin juin, on commence les uns les autres à faire des fiches de lecture. Dès qu'on a 8-10 titres, on fait nos fiches de lecture, ce qui permet de voir ce que les autres ont lu, de voir ce qui commence à... On se dit, bon, ça, il y en a 2-3 qui sont intéressés par tel texte. Je vais regarder ce que j'en pense, même si je ne suis pas attiré a priori. Ou au contraire, quand soi-même on lit un texte et qu'on se dit celui-ci, personne n'en a parlé, mais il me semble qu'il y a quelque chose, on va vraiment faire une fiche de lecture enthousiaste pour essayer de faire lire les autres. Je pense que ça, c'est une préparation intéressante, le fait qu'on en fait donc une quarantaine de livres à peu près chacun. Et je pense que ça nous permet, le jour où on se retrouve pour faire la première liste, de parler quand même à peu près de la même chose. Il y a des livres qu'on a défendus et puis les autres, on ne les a pas lus, on est furieux, on part en, en claquant la porte, mais en gros, quand même, on a l'opportunité de signaler tel texte ou tel... tel texte, en fait, c'est pas autre chose. Oui, parce que c'est un entonnoir assez terrible. Hein. Bah, c'est vrai qu'en France, on publie beaucoup, et on publie beaucoup à la rentrée, parce qu'on a quand même une vraie culture des prix de la rentrée. Mm-hmm. Donc, les éditeurs, c'est une vraie déferlante. Ouais. Et alors, j'ai lu, parce que vous dites que votre élection au Goncourt était une surprise. Bernard Pivot, à l'époque, a dit c'est Virginie Despentes est une boulimique de lecture, et c'est ce dont nous avons besoin. Alors évidemment, il y a le plaisir de la lecture, mais je peux imaginer qu'on ne lit pas de la même façon quand on doit manger un texte par jour, et puis aussi quand on sait ce qu'il y a derrière, à savoir le prix littéraire le plus prestigieux, au moins de France, sans doute d'Europe. Non, c'est très différent, parce que par exemple, j'ai compris pourquoi les critiques littéraires sont très méchants, parce qu'ils doivent lire des textes. Parce que moi, j'avais jamais fait cette expérience avant. Je lisais beaucoup, mais je lisais exclusivement des textes qui m'attiraient ou qui m'intéressaient. Et d'ailleurs, s'ils ne m'intéressaient pas, au bout de 3 pages, je les arrêtais. Alors que là, une fois qu'on est dans un jury, on lit le plus possible. Donc, y compris des textes qui, a priori, ne sont pas de notre... sont pas à notre goût, quoi. Et donc, c'est vrai que ça peut... Je pense qu'on peut devenir un des dangers, qu'on peut devenir dur. Parce qu'à un moment donné, d'une façon assez bizarre, au 4e texte où on s'ennuie, on commence à développer une sorte d'agacement qu'un lecteur normal ne va pas éprouver, puisqu'un lecteur normal va aller vers des textes qui l'intéressent. Oui. Donc je pense que c'est quelque chose, par exemple, qu'il faut, entre guillemets, surveiller. Quand on est trop méchant. Oui, non, c'est vrai, parce qu'après, on se sent comme agressé par les textes qu'on n'aime pas, alors qu'ils ne sont pas là pour nous agresser, simplement, on n'est pas le bon décodeur. Et ce n'est pas personnellement pour nous pourrir l'été qu'ils ont été écrits. Et en plus, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, le fait que, sincèrement, un texte qui, moi, va me tomber des mains, je vois pas l'intérêt, je va être défendu avec une ardeur absolument sincère par d'autres collègues. Ça, je trouve que c'est toujours intéressant à comprendre et à pas oublier que chacun d'entre nous, on a vraiment une façon de faire exister un texte, et que le texte en lui-même, c'est rien, quoi. C'est le lecteur qui le fait lever ou pas, quoi. Et moi, parfois, un texte, je serais incapable de... Ou le contraire. Un texte, je vais arriver en disant, mais la personne ne peut passer à côté. Et puis, je me rends compte qu'autour de la table, bah, tout le monde passe à côté, parce que sincèrement, ça ne les intéresse pas, quoi. Il y a aussi, j'imagine, quand on lit dans l'optique du prix Goncourt, on ne lit pas tellement, peut-être je me trompe, mais pour son livre préféré, on lit aussi en se disant qu'est-ce qui pourrait recevoir le prix Goncourt. Est-ce que ce sont d'autres critères ou pas forcément? Quand même, je pense que si un livre vous enthousiasme complètement, il va enthousiasmer complètement d'autres gens, pas tout le monde. Mais après, c'est vrai que le Goncourt, c'est un formidable conseil de lecture à toute la population. Donc c'est vrai qu'on l'a en tête quand même. Je peux comprendre que quelque chose qui, moi, va m'enthousiasmer complètement... Il suffit que je pense à ma mère, je me dis peut-être que ma mère, ça ne va pas l'enthousiasmer. Donc, et pourtant, le concours, c'est pour elle aussi. Donc, il faut que ce soit effectivement, c'est assez particulier, parce qu'il faut que ce soit un texte intéressant, qui sincèrement produise quelque chose, et en même temps, qui puisse être décodé par énormément de gens. Et en même temps, non, je pense qu'il y a pas mal d'exemples de concours qui sont des concours très pointus, très particuliers, et je pense que c'est de bons concours, parce que si on est complètement enthousiasmé par un texte, de toute façon, il est digne d'être concours. C'est vrai que là, les 2 années dernières, simplement, quand on voit Boussole de Mathias Sénard et Chanson 12 de Leïla Slimani, c'est 2 textes qui disent tout à fait autre chose. Ouais. Ils sont très différents. Ils sont très différents. Et Boussole, par exemple, n'est pas un bon concours au sens où c'est pas un bon concours. On l'offre pas Noël, a priori. Il est pas, c'est pas un texte que tout le monde peut, dans lequel n'importe qui peut entrer. Et en même temps, c'est un bon concours parce qu'il a vraiment déclenché parce que j'ai entendu parler des délibérations de cette année-là, un vrai enthousiasme de la part de plusieurs personnes du jury. Comme c'est en plus, je pense que vous le faites de la même façon, c'est à la fin on vote, donc c'est celui qui a le plus de votes qui... Et effectivement, c'est pas toujours le meilleur, mais c'est celui qui a fait le plus de consensus, qui a obtenu le consensus maximum. Et ça, c'est une notion importante, cette notion du consensus. Donc, je racontais à Virginie Despentes les délibés de l'année dernière, je sais pas si certains d'entre vous y étaient. Oui, certains d'entre vous y étaient, où on s'est retrouvés donc avec trois livres qui sortaient du lot, qui surnageaient. Donc c'était L'autre qu'on adorait de Catherine Cusset, Petit pays de Gaëlle Faye et Chanson 12 de Leïla Slimani. Donc 3 textes très très différents, portée par des enthousiasmes vraiment très beaux. Et puis finalement, à un moment, il n'y avait pas de consensus. Et donc, on a dû voter, mais même le vote était très serré. Donc, parfois, il y a aussi des déceptions. Parfois, il faut être vaincu. Bah, de toute façon, là, il y a 14 déçus. À la fin de, dans ce qui nous concerne, là, dans le concours, il y a 14 personnes qui seront déçues. Plus, il y en a 340 qui sont déçus et qui ne comprennent pas pourquoi ils sont sur la première liste. Et effectivement, il n'y a pas de... mon point de vue, c'est que le prix, de toute façon, c'est génial pour celui qui l'obtient, et c'est tout. C'est-à-dire, les autres, on ne va pas changer une virgule à leur livre, leurs éditeurs ne vont pas leur demander de faire moins de pages la prochaine fois, ce n'est pas grave pour ceux qui ne l'ont pas, mais évidemment, tous ceux qui ne l'ont pas sont déçus. Oui, et certains jurés sont peut-être déçus aussi. Je crois, oui. Oui. Vous avez reçu le prix Renaudot pour Apocalypse Bébé. Est-ce que, donc c'était en 2010, je pense. Est-ce qu'un prix comme celui-là, qui est aussi très prestigieux, donc qui est remis juste après le concours le jour même, ça change quelque chose dans une vie ou une carrière d'écrivain? Bah, ça change les ventes, oui. Beaucoup. Donc ça permet d'être plus tranquille pour le roman d'après. Parce que j'avais la chance de ne pas avoir réalisé ce que c'était que recevoir un prix avant de le recevoir. Mais quand on le reçoit, on est surpris effectivement, de l'impulsion de vente que c'est, donc en ce qui me concerne, des 3-4 ans que ça laisse pour écrire un roman, oui. Ensuite. Et qui, dans un parcours d'écrivain, ouais, ça compte d'avoir du temps pour un projet. Et aussi, je crois, mais ça, je suis pas sûr, mais dans mon cas, j'ai l'impression si ça change la perception des critiques. Je pense pas que ce soit conscient chez eux, mais quand même, ils ont l'impression qu'on a été comme adoubé. Et je crois, il me semble qu'ils sont peut-être plus, ils prennent peut-être plus au sérieux le travail qu'on effectue par la suite. Je suis pas sûre, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là chez les critiques littéraires. Quelque chose s'est passé, ouais, je crois. Oui, et donc c'est en cascade, j'imagine, parce que si ça change le regard des critiques littéraires, ça change le regard des lecteurs, des critiques, et puis... ça change la réception critique, en tout cas, du roman qui suit, il me semble, avoir remarqué ça. Après, est-ce que ça veut dire, en ce qui me concerne, comment je l'ai pris, est-ce que ça veut dire qu'on a écrit un roman vraiment génial et que non, parce que c'est pas une science exacte. Je pense que quand vous allez le vivre, ce sera à peu près la même. C'est-à-dire, quelqu'un va l'avoir, ce prix, mais ça veut vraiment pas dire que ceux qui ne l'ont pas eu sont de moins bons livres. Parce que on peut pas cocher 750 critères qui font que de façon précise et sûre et certaine, on a fait le bon choix. Un choix va être fait et des discussions, les énergies des uns et des autres vont compter pour ce choix, pour orienter ce choix. Mais ça veut pas dire grand-chose sur le livre. Je veux pas dire que le concours, ça veut rien dire, mais quand même, il y a quelque chose de très aléatoire. Et on le voit justement parce que c'est comme ce que vous disiez sur l'année dernière, ça se passe à une voix ou deux. Ça veut dire à une ou deux personnes qui basculent sur tel ou tel livre. C'est pas exact. Mais la seule chose que moi, j'ai retenue de Renaudot, c'est que pour celui qui le reçoit, c'est un moment génial et qui ne vole rien aux autres. Parce que les autres, c'est une déception à gérer, mais ça ne change rien à leur parcours, ni à leur livre, ni d'ailleurs... au tête-à-tête entre les lecteurs et leur roman. Effectivement, on attire l'attention sur un roman en particulier, donc c'est important pour celui qui va le recevoir. Oui. Et est-ce que ça, c'est quelque chose que vous prenez en compte dans vos discussions? Dans le sens où, effectivement, quand Mathias Sénard reçoit le concours, c'est un peu une confirmation de tout le bien que... la plupart des amateurs de lecture pensaient de Mathias Sénard. Quand Leïla Slimani reçoit le concours, c'est un peu « waouh, la découverte, un coup d'accélérateur terrible pour cet auteur ». Est-ce que ça, ce sont des choses que vous prenez en compte ou pas du tout? Ou le moins possible? Je pense que ça, c'est jury par jury. On aura tous une réponse différente. J'ai l'impression qu'on le prend forcément un peu en compte, oui. Par exemple, quand arrive le livre d'un auteur qu'on lit depuis, je prends par exemple cette année l'exemple de Jainada, la Serbe, je suis incapable de vous dire ce que... Je prends en compte tout ce que je connais de Jainada, je connais tous ses romans. Et je serais incapable, je peux pas... Il faudrait que les livres nous arrivent sans les noms d'auteurs pour qu'on soit capable de faire votre abstraction. Sinon, c'est dans le parcours d'un auteur, voilà où est-ce qu'il en est, je connais son parcours depuis longtemps, donc c'est oui, je le prends en compte. Encore une fois, c'est pas une science exacte. Parce que je le sais, je connais tous ces textes, je sais quand ce texte arrive, après quels autres textes, et j'ai l'impression... Donc oui, ça, par exemple, ça entre en ligne de compte, oui. Il y a beaucoup de choses. De la même façon, on essaie de ne pas faire attention, mais je pense qu'on on n'est pas des robots, donc on sait les choses. On sait aussi des choses qu'on ne devrait pas savoir. Est-ce qu'un livre rencontre son public ou pas du tout ? Et évidemment, ça influe, ça ne devrait pas influer. Mais en vérité, quelque part, dans nos têtes, on sait qu'un livre n'a pas du tout rencontré son public et que donc lui donner le Goncourt, ça ne suffira peut-être pas à attirer le public vers ce livre. On ne devrait pas y s'en préoccuper. Mais en vérité, on sait ces choses. Ça n'intervient pas dans les discussions, en tout cas. Enfin, ça intervient très peu dans les discussions, mais dans nos têtes, on sait les choses. Est-ce qu'à ce stade, l'un ou l'autre d'entre vous veut poser une question ? N'hésitez pas, mais sinon je poursuis. Mais vous n'hésitez vraiment pas à intervenir. Ce sera court, une heure, donc ce serait dommage de repartir avec des regrets. Donc justement, pour les étudiants présents ici, est-ce que vous avez des conseils de lecture ? Donc pas des titres, évidemment, parce qu'a priori, ils vont prendre connaissance des 15, mais... des conseils sur la façon de lire. Non, parce que ça dépend aussi de leur... par exemple, si c'est difficile d'en lire 15, je pense qu'il est important d'aller vers ceux qui vous plaisent, parce que ce qui est le plus important, c'est ce qu'on est capable de bien défendre. Mm-hmm. Après, dans une stratégie, c'est important aussi d'être capable de critiquer un livre dont on ne veut pas, mais en vérité, je crois que le plus important, c'est être capable de défendre ce qu'on aime le plus. Donc, j'imagine que le plus important, c'est d'aller vers les textes qui vous plaisent le plus et d'y aller, de les lire complètement et de les penser, de réfléchir aux arguments qu'on peut avoir en faveur d'un texte qu'on a envie de défendre. Et c'est plus facile de trouver des arguments intéressants quand on l'aime sincèrement. Et parce que oui, c'est important. Par contre, ce qui va être dit sur le livre est très important. Ça veut dire, si on a vraiment des arguments en faveur d'un texte, ça, on peut faire évoluer des lectures d'autres gens qui ensuite vont voter, donc vont soutenir ou pas le texte. Et je dirais, et après, quels sont les critères ? C'est pareil, il n'y a pas de critères. Est-ce qu'on, et ça, c'est chacun. Est-ce qu'on aime la grande littérature avec des très belles phrases dedans ? Ou est-ce qu'on s'en fout ? Est-ce qu'on veut, c'est vraiment que quelqu'un ait quelque chose à dire, un propos, et qu'il soit en adéquation avec un style ? Ou est-ce qu'on a envie de faire entrer dans la littérature des textes qui n'étaient pas encore considérés comme assez sérieux pour entrer dans cette littérature ? Ou est-ce qu'au contraire, on pense qu'il faut être les gardiens d'une littérature ? Et tout ça est valable. Et simplement, ce qui est intéressant, c'est d'aller vers les textes qui nous intéressent pour être capable de le défendre. Qu'est-ce qu'on attend ? Et ce qui nous permet, en fait, j'imagine, ce qui est intéressant quand on est juriste, c'est de commencer à essayer de comprendre ce que nous, on cherche dans la littérature. Qu'est-ce qui nous semble important d'un livre ? Et pourquoi est-ce qu'on a envie que le plus de gens possible en prennent connaissance et essayent de le lire aussi. Et c'est important d'en prendre conscience, vous dites, pour pouvoir mieux le défendre, pour pouvoir le partager. Oui, puis même pour soi-même en tant que lecteur, c'est mm-hmm. une question qui est intéressante. Qu'est-ce que j'attends d'un livre et parce que ça permet ensuite, on le voit dans cette librairie, il y a tellement de textes, comment est-ce qu'on va nous se diriger vers les textes qui vont compter pour nous et nous aider ? Donc qu'est-ce qu'on attend du texte, quoi ? Et on n'attend pas du tout la même chose les uns les autres. Non, et j'allais dire, vous personnellement, donc, ce midi, le prix Nobel de littérature a été remis à Kazuo Ishiguro. Pardon. Et évidemment, ce qu'on dit de ce prix Nobel britannique d'origine japonaise, c'est moins rock'n'roll que Bob Dylan. Donc il a le tort de passer l'année après l'élan un peu étonnant de l'Académie suédoise. Pour vous personnellement, est-ce qu'un prix doit être audacieux ? Doit être audacieux, non. Non. Peut se permettre d'être audacieux, oui, mais c'est pareil, c'est une question d'enthousiasme. Si un texte audacieux qui ne devrait pas passer réussit à déclencher vraiment un enthousiasme, un intérêt, alors oui, soyons audacieux. Après, je pense que c'est bien pour le Nobel de le donner à des gens qui viennent le chercher, mais ça, c'est personnel. Oui, oui. C'était pas la question, mais la vie est claire. Donc l'année dernière, si on revient aux délibérations, moi personnellement, donc j'avais assisté aux délibérations, donc pas du tout pour donner un avis, mais simplement pour être gardien du temps. Je vois de nouveau un sourire et aussi pour un moment essayer que chacun ait la parole. Et donc ce qui m'avait marqué, c'était à quel point les étudiants ou vous qui étiez délégués aviez envie d'un message, c'est-à-dire d'un livre qui soit porteur d'un message, c'est-à-dire de dire en 2016, donc j'avais renoté donc Petit Pays, dont on a discuté déjà tout à l'heure, mais il y avait aussi Ma part de Gaulois de Magid Cherfi qui avait été discutée, c'est qu'est-ce que nous dit un livre comme celui-là par opposition à un autre, peu importe lequel. Et donc, il y avait une espèce de responsabilité citoyenne, au-delà de la responsabilité littéraire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle aussi ? Alors, bien sûr, mais dans quelle manière est-ce que c'est le rôle d'un prix, cette responsabilité citoyenne ? C'est exactement comme l'audace, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire. Je pense qu'un texte peut ne pas avoir de message citoyen et retenir l'intérêt d'un jury, à juste titre, avec sincérité. Et d'autres fois, le message est tellement intéressant ou tellement bien, tellement en adéquation entre le message et la forme et le moment où il est émis, qu'il doit avoir un message. Après, je pense que... Moi, j'ai une idée très bête. Hein. Je pense qu'on sait sincèrement quand on a pris du plaisir à lire un livre, et on sait sincèrement quand un livre est venu vraiment modifier, nous a apporté, nous a légèrement dévié, nous a ou complètement retourné. Mm-hmm. On le sait. Donc, je pense qu'en essayant d'être au plus sincère et pas en essayant, peut-être que j'ai tort, hein, mais pas en essayant de projeter trop de choses sur ce que ça devrait être, mais en essayant, en tant que lecteur, à quel moment on a été vraiment touché par un texte, et touché au sens, au moins légèrement modifié. Parce que si un texte te laisse exactement tel qu'il t'a trouvé en arrivant, c'est quand même quelque chose qui ne s'est pas passé. Même s'il est très très bien écrit, quelque chose ne s'est pas passé, et, à mon avis. Donc, et ça, on le sait, sincèrement, quel est le texte qui nous a vraiment rencontrés. Donc, s'il n'est pas audacieux, tant pis. Oui. Si le message n'est pas très nouveau, tant pis. Enfin, à mon avis, tant pis. Et là-dessus, j'écoutais l'éditeur Paul, P-O-L, parler à Voix Nue, c'est une émission sur France Culture, et à un moment donné, le journaliste lui demandait, mais quel est pour vous ce que... Parce qu'il y a Paul, cet éditeur, a publié énormément de textes très différents. Il disait, mais quel est pour vous le fait qu'un texte où vous intéressez Paul répondait qu'il soit vrai. Et quand je l'ai entendu le dire, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette connerie, qui soit vraie, ça veut rien dire. Mais après, je l'ai beaucoup réfléchi, parce que j'aime beaucoup Paul, donc je me suis dit, ça me disait, il y a quelque chose à comprendre. Et effectivement, je comprends ce qu'il veut dire, c'est qu'encore un texte qui soit vrai, réellement vrai, on s'en fout, mais qui vous donne cette sensation que quelqu'un vous a parlé de quelque chose d'important, et qui donc vous a légèrement modifié. Ouais, je pense que là, on le sait quand on l'a reçu, quand on a ressenti ça. Donc, et j'aurais tendance à dire, c'est vers ce vers quoi on doit se diriger, parce que ce sont des livres qui vont être... Le Goncourt, par exemple, est acheté, je pense, par des gens qui vont lire peut-être deux livres dans l'année. Si ce livre peut leur vraiment changer légèrement, au moins légèrement, la façon qu'ils ont de voir les choses, je pense que c'est important, c'est très important. Merci, j'ai vu une main se lever. Oui. Bonjour, Madame Despentes. J'ai une question donc, qui suit un peu ces questions sur la manière dont on va lire les ouvrages qui nous sont proposés. J'aimerais revenir sur cette opposition entre des ouvrages qui possédaient un message entre guillemets citoyen. Je pense notamment à Insouciance de Karine Thuil, qui au sein du comité de lecture de l'ULB avait beaucoup marqué, de même que Petit Pays, sur le devoir de mémoire, les conséquences du génocide rwandais au Burundi. Et ce qui nous a beaucoup ennuyés, c'est dans le cadre d'une sélection d'ouvrages, doit-on s'intéresser à l'ouvrage en tant que tel, ou bien en comparaison par rapport aux autres ouvrages ? Parce qu'alors, dans cette optique, pour moi, Chanson douce n'a absolument rien de comparable avec Insouciance ou avec Petit Pays. Non pas qu'il ne joue pas dans la même catégorie, mais on a quelque chose qui appartient beaucoup plus à la fiction, alors que dans les deux autres cas, on a quelque chose qui a beaucoup plus de versant historique, je trouve. Et c'est une question qu'on s'est réellement posée, je me demandais quel était votre point de vue sur ça. Bah, on est un peu obligé de comparer dans le cadre d'un prix, parce qu'on va, on va déterminer lequel. Et je ne sais pas comment est-ce que vous travaillez pour faire les présélections, mais à un moment donné, j'imagine que vous allez vous dire on va travailler plutôt sur ces quatre textes, on va discuter plutôt de ces quatre textes qui émergent, quoi. Donc vous allez comparer, parce qu'ils sont quand même tous dans la même catégorie, au sens où c'est la sélection de l'année, et que vous ne pouvez pas vous en amener d'autres ou en sortir qui vous sont complètement désolés, mais non. Et donc vous allez comparer les textes les uns par rapport aux autres. Et c'est là que c'est un petit peu un exercice où, de toute façon, il faut quand même, je crois, ne pas oublier dès le début que le résultat sera jamais le bon. Parce que le résultat, ce serait que les 15 l'aient, par exemple. Le bon résultat, ce serait que les 15, pour des différentes raisons, les tous. Et du moment où on va s'amuser à se dire qu'on en donne un, il y aura toujours quelque chose d'un peu aléatoire et quelque chose de... Il faudra faire le deuil de textes qu'il valait aussi. Parce que, par exemple, ces 15-là, quand même, on les a... Ils ont déjà été vraiment pré-sélectionnés. Donc, mais vous allez devoir comparer. Et effectivement, comparer des choses qui sont absolument incomparables. Entre effectivement Slimani et Karine Thuil, c'est très compliqué à comparer à tous les niveaux. C'est pas du tout le même style, c'est pas du tout la même approche romanesque, c'est pas les mêmes thèmes. Donc il va falloir. Et c'est là que j'aurais tendance à dire, à un moment donné, essayer de savoir ce qui nous a le plus intéressé. Pour moi, j'ai l'impression qu'une des bonnes façons de savoir quand même où est-ce qu'on en est, c'est quel est le livre qu'on a prêté immédiatement à quelqu'un d'autre. Parce que le livre qu'on a prêté immédiatement à quelqu'un d'autre, ça veut quand même dire quelque chose sur ce, parce que c'est un des trucs intéressants du livre, ce qu'on a envie de le faire lire, de le partager tout de suite. Et si un livre, on le trouve absolument génial, mais qu'on l'a prêté à personne, il faut se poser une question. Enfin, moi, j'aurais tendance à me poser des questions. Ça m'arrive, hein, parce qu'il y a des textes où on se dit, mais ça, c'est parfait, c'est merveilleux, mais on n'empêche qu'il est encore dans ma bibliothèque. Tout le monde, les gens sont passés chez moi les uns après les autres, et celui-là, il est encore là, quoi. Donc, s'il y a quelque chose dans ma sincérité qui n'est pas si sincère, c'est que je n'ai pas eu envie de le partager avec qui que ce soit, quoi. Et, mais sinon, c'est un choix... c'est un choix impossible à faire parce que vous allez comparer des choses qui sont incomparables. Dans cette sélection, encore une fois, il y en a quelques-uns qui ont un peu les mêmes thèmes, alors ça, vous allez pouvoir essayer de voir, mais sinon c'est incomparable et pourtant vous allez comparer. J'ai une question subsidiaire sur les 15 ouvrages qui nous sont proposés. Je pense qu'on a été assez surpris par la quantité d'ouvrages qui traitaient de 40-45 et de la guerre d'Algérie, et on se demandait en tout cas au sein du comité de lecture, si c'était justifié ou si c'était un pur hasard. Non, il y a deux... 40-45, ça fait un moment qu'avec la littérature, on est... La littérature française, on y revient et on y revient. Et du coup, je pense qu'on a au sein du jury des décodeurs particulièrement doués pour la guerre 40-45, parce qu'ils ont déjà lu plein. Et l'Algérie, la guerre de l'Algérie, moi j'ai la sensation que c'est plus quelque chose qui est en train d'arriver dans la littérature française, qui arrive avec... avec énormément d'ouvrages, et là pour le coup les gens ont, à mon sens les auteurs ont vraiment quelque chose à dire, justement parce que ça fait 60 ans qu'on a évité le sujet et que du coup il y a quelque chose qui est en train de jaillir, et où j'ai l'impression que des grands ouvrages, moi ce sont des ouvrages qui m'intéressent, mais effectivement ça m'a surprise aussi qu'on se retrouve avec trois ouvrages autour de la guerre d'Algérie, tous les trois écrits par des femmes d'ailleurs, je crois. Mais à mon sens, là, pour le coup, on tient quelque chose de nouveau, c'est pas mal. Parce que 39-45, en ce qui me concerne, j'ai l'impression que toute ma vie, j'aurais lu ça, quoi. Ce qui est assez intéressant, j'adore le Nils, par exemple. Si tu as découvert, il y a un texte qui s'appelle Nils, ça, je l'ai dévoré. Mais moi, j'ai 48 ans, c'est depuis toujours. J'ai toujours lu ça, quoi. Donc, c'est vrai que c'est comme presque une littérature de genre. Et en France, on aime cette littérature de genre guerre. En fait, j'aurais voulu savoir, dans le choix qu'on fait, est-ce que pour vous, on doit vraiment laisser l'affect laisser primer sur des qualités plus objectives ? Moi, l'année passée, je ne vais pas le cacher, j'étais fervent opposant à l'autre qu'on adorait, parce que je disais, ça aurait été un groupe de plombiers ou d'infirmiers qui auraient dû lire le Goncourt, l'autre qu'on adorait aurait eu, à mon avis, beaucoup moins de succès. Mais c'est impossible d'être objectif. Parce que vous êtes des étudiants et vous ne pourrez pas parler d'un autre point de vue que des étudiants, et il serait intéressant de faire un concours des plombiers. Mais eux seulement peuvent... non mais si ça les, à part le temps que ça prend, ce serait intéressant réellement, mais eux seulement peuvent savoir, et peut-être qu'on serait... C'est exactement ce qu'on se disait avant de venir. Le concours les concours étrangers, les concours des lycéens qui sont tous donnés donc par des étudiants, les lycéens et des étudiants, font l'objet d'une spéculation extrêmement intense au sein des Goncourt. Je ne sais pas pourquoi, mais je peux vous dire qu'on en parle tout le temps. Alors ça va leur plaire, ça, il faut absolument le faire rentrer dans les listes, parce qu'attention, ça va leur plaire. Enfin, ça travaille énormément l'académie. Et en vérité, je crois que pour l'instant, c'est la deuxième fois que je le fais, mais l'année dernière, je peux vous dire, ils se sont trompés absolument sur tous les pronostics qu'ils ont faits. C'est-à-dire tous les livres qui sont rentrés pour les Goncourt, lycéens et étudiants, n'ont pas été... primés, ni même vraiment très discutés, et d'autres, donc on ne sait pas, donc je pense qu'on est obligé, en tant que lecteur, vous serez toujours un lecteur subjectif. Il y a un peu, même si après ça vous faites des études littéraires extrêmement poussées pour devenir un critique, de toute façon, je crois, vous serez toujours un lecteur subjectif à un sujet, même si effectivement, parce que la littérature est un exercice d'empathie incroyable, de télépathie incroyable, donc on peut se projeter dans le texte de quelqu'un qui ne nous ressemble pas du tout, qui ne vit pas à la même époque, pas dans le même pays, qui dit des choses avec lesquelles on n'est même pas d'accord, N'empêche que vous serez toujours un décodeur subjectif. Vous ne pourrez pas avoir une autre vision que la vôtre, donc il faut faire confiance, je crois, à cette... Et si ça vous intéresse, encore une fois, c'est que ça, a priori, ça intéressera d'autres lecteurs. Je pense au Catherine Cusset. Il a intéressé beaucoup de lecteurs, finalement, qui ne connaissent pas du tout les grandes écoles américaines, qui ne connaissent pas les États-Unis. Enfin, peut-être parce que le personnage qu'il écrivait n'était pas seul, c'est-à-dire de loser qui fascine son entourage, n'était peut-être pas exclusivement un personnage de prof d'université. Peut-être que dans tous les milieux, et même chez les plombiers, il y a des plombiers géniaux qui vont... Non, mais je le dis sincèrement, je le dis avec sérieux, quelqu'un qu'on va trouver à 20 ans absolument génial et exercer une grande emprise sur son entourage, et 15 ans plus tard, qui ne s'en sera pas bien du tout tiré. Peut-être que ce personnage-là était plus univers... Peut-être qu'il dépassait le cadre de l'université. Donc je crois que non, essayer d'être objectif sera toujours un peu compliqué. Je reprends. N'hésitez pas à intervenir, parce qu'ici, on a eu deux participants de l'année dernière. Ce qui est complètement compréhensible, hein, mais donc ceux qui êtes là pour la première fois, n'hésitez pas, ne soyez pas timide, parce que le temps passe vite. On a parlé des thématiques de cette sélection. Est-ce que je peux vous demander un coup de cœur de cette sélection, ou vous préférez pas à ce stade? Bah, c'est un peu injuste pour les autres, quoi. D'accord. J'ai peu de coups de pas de cœur. D'accord. Il y en a quelques-uns que j'aime moins, mais en général, non, j'ai peu de coups de pas de cœur. Je suis plutôt contente cette année. D'accord. Voilà. Mais c'est intéressant que vous disiez cela, parce que l'année dernière, donc pour ceux qui étaient là, Pierre Assouline avait aussi refusé de donner un coup de cœur. Par contre, il avait montré son désespoir face à la présence dans la sélection de Laetitia d'Yvon Jablonka, en disant ce n'est pas que c'est un livre qui n'est pas lisible ou méritant, mais ça n'a pas sa place dans le Goncourt. Et puis donc, Yvon Jablonka ne l'a pas eu. Donc Pierre Assouline n'était pas, sans doute pas le seul à le penser. Mais c'était pour le format, parce que c'est une discussion pareil, récurrente, et je pense que c'est une discussion qu'on va avoir de plus en plus souvent, parce que les limites entre le roman et le non-roman sont de plus en plus floues. Et le roman est la biographie romancée, la biographie complètement fictionnée. Et que cette discussion, on n'a pas fini de l'avoir, et qui était que donc Jablonka n'était pas un roman. Oui, que c'était un récit, c'est un récit journalistique. Et c'est vrai. Après, moi, comme je viens d'arriver et que je suis moins au courant des règles du Goncourt, je suis peut-être moins précise, quoi. Mais moi, ça ne me traumatisait pas, quoi, que Jablonka fasse partie. Enfin, pas au sens où c'est pas un roman, parce qu'il y avait une écriture. Il me semble qu'il y avait une écriture, un propos, et qu'il y avait quelque chose à dire sur le monde d'important, et qui n'était pas dit non plus d'une façon de sociologie ou d'histoire pure, qui empruntait effectivement beaucoup de choses au roman. Mais là, ça a été un critère formel, en fait. C'était un critère formel, ça a été une discussion très longue et assez... Oui. Parce que ça, j'imagine, pareil, ça sera probablement pareil pour vous. Il y a quelque chose de propre au jury, c'est que les gens s'emportent beaucoup. Parce qu'à un moment donné, on supporte pas. C'est une lutte, quoi, quand même. C'est une discussion. Et donc là, ça, c'est une discussion très, très fébrile. D'accord. À l'Académie Goncourt. Ouais. Mais ici, dans le cadre du jury du choix Goncourt de la Belgique, ce qui est très particulier, il me semble aussi, c'est que donc il y a deux délégués par université qui viennent défendre de leur comité de lecture. Et donc là, évidemment, il y a quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement son avis, mais on a aussi la responsabilité. Ça, je pense que c'est en fait une difficulté supplémentaire. Et puis, en tout cas, l'année dernière, il n'y avait pas encore d'expérience derrière. Non, puis surtout si on doit défendre des textes qu'on a soi-même pas aimés, enfin, ça doit quand même être compliqué, quoi. C'est pareil. Ça fait un peu penser à Koh-Lanta quand ils envoient des... ça peut être difficile. On garde tout le monde à la fin. Et vous êtes sûr que vous n'êtes pas trahi? Enfin, vous êtes les délégués, donc... Non. Ici, on a des étudiants de tous les comités de lecture. Je ne sais pas si les délégués sont déjà choisis au sein des comités de lecture. On dirait que oui, je vois des têtes qui acquiescent. Donc les deux délégués viendront alors à la délibée à la délibée en décembre. Entre maintenant et décembre, il y a encore deux échéances. C'est d'abord le 11 octobre, on aura la deuxième sélection du concours, donc qui sera dévoilée à Francfort où la France est invitée d'honneur. Et puis le 6 novembre, où le concours sera remis. Comment ne pas être influencé par ça, en fait, pour les étudiants, hein, je veux dire, comment, par les listes, oui, par la deuxième liste et puis par votre choix à vous. Je ne sais pas si vous avez l'impression que ça vous influence, vous. Je ne sais pas si ça va. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre parce que j'ai un peu regardé. Là, je parle plus du concours lycéen, donc un concours qui se donne en France par des lycéens en terminale. Mm-hmm. Et leurs listes, enfin leurs choix ne sont pas calés sur les dernières listes concours, sur les quatre derniers concours. C'est ça. Ils sortent. Et, c'est étonnant parce que par contre, elles respectent le choix des grandes maisons d'édition. Parce que moi, j'avais regardé ces listes en me demandant si eux aussi allaient beaucoup vers Gallimard, Verseuil, vers Grasset. Et effectivement, ils vont assez facilement vers des grandes maisons d'édition aussi. Mais pas vers les quatre derniers choix. Ouais, pas. À exception faite de Actes Sud, Actes Sud est vraiment, je crois, entré dans le concours par les lycéens, parce que plusieurs fois, ils ont décidé de couronner des livres Actes Sud. Mais le reste du temps, ils vont pas forcément du tout vers les quatre derniers concours. C'est plus. Plus malin que ça. Non, pas plus malin, mais ça s'imagine que chaque. C'est la première fois que je vois un jury étudiant, donc je sais pas comment ça se passe, mais je crois qu'il y a d'autres. Chaque jury a ses forces des textes émergent. Je pense qu'effectivement, il y a des choses auxquelles on est plus sensible à un endroit qu'à un autre. Je pense que dans les délégués que vous allez choisir, il y a des gens qui vont être plus politiques, parler plus facilement, manipuler mieux. Donc ça va changer les choses. Et je pense que ça à chaque jury, ça a sa particularité, j'espère en tout cas. J'ai une question qui est un peu bateau, mais c'est par rapport à la question du genre, parce que j'étais en train de me demander. Si parmi les étudiants qui font partie de ces comités de lecture, est-ce que la question du rapport fille-garçon était importante? Est-ce que ça a été évoqué? Je ne sais pas du tout. Je pense que... Parce que chaque année revient un peu cette question du concours, du fait que majoritairement sont des hommes qui l'ont remporté, je ne connais plus les proportions. Et que aussi, dans le jury, il y a plus d'hommes. Et donc je me disais, est-ce que du coup, chez les lycéens ou chez les étudiants, est-ce que cette question-là, à un moment donné, a été évoquée? Je pense qu'il faut renvoyer la balle, que la question est complètement pertinente, mais qu'il faut renvoyer un peu la question aux étudiants, au comité de lecture. J'imagine qu'il n'y a pas de travail de parité dans vos comités de lecture, que c'est un peu comme ça. C'est bénévole. Oui. J'ai le sentiment que l'année dernière, autour de la table, il y avait un peu plus de filles que de garçons. Bah, quand c'est bénévole, en général, il y a plus. C'est ce que j'ai Il y a une réaction là Par exemple, ce qu'on a mis en place au sein du comité de lecture chez nous, c'est que dans les représentants du prix, il y a systématiquement un garçon, une fille. Ça peut déjà répondre à la question. Donc dans les co-représentants, il y a un garçon et une fille. C'est quelque chose qu'on a mis en place l'année passée et qu'on remettra en place celle-ci. Et dans le comité de lecture, est-ce que tu as une idée si c'est plus ou moins... Je pense que là, il y a majoritairement des filles. D'accord. Voilà. Mais en termes de représentation... Là, on a une fille et un garçon systématiquement. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de comités où ça a été pris en compte? L'année passée, on avait fait comme ça aussi. On avait choisi un garçon et une fille. Maintenant, dans le comité de lecture, c'est parce que c'est les études qui sont comme ça, mais encore cette année-ci, je pense qu'on est trois garçons pour 12-14 filles. Parole comme... Garçon, mais évidemment, je pense que la question de la parité homme-femme n'est pas tellement pertinente, mais les questions que nous avons eues maintenant viennent majoritairement des garçons. C'est ça qui est le problème. C'est pas que la parité soit dans les comités. Le problème, c'est la prise de parole des garçons. Je pense que ça, c'est peut-être le problème. Ceci pour inciter les filles à parler. C'est souvent le cas, c'est vrai. Mais... peut-être parce qu'il nous reste un petit quart d'heure. Je voulais vous demander si vous avez des questions, parce que là, vous avez reçu les livres maintenant il y a 15 jours, je pense. Si vous avez des questions sur les livres, des questions ou des commentaires de lecture sur les livres que vous avez déjà lus, des choses que vous avez envie de partager ou de demander avec Virginie Despentes. Est-ce que vous êtes déjà avancé? Est-ce qu'il y a déjà des coups de cœur, des choses qui se dégagent dans vos lectures? Quelqu'un qu'on n'a pas encore entendu? C'est les premiers mois les plus difficiles, après ça va tout seul. Juste, il n'y a pas quelqu'un d'entre vous qui veut nous expliquer, ou bon, m'expliquer à moi, pourquoi vous avez décidé de faire partie de ce jury? Mais je ne sais pas comment ça se passe dans les autres universités, mais chez nous ça a été proposé aux romanistes, et c'est quand même, ça fait partie intégrante de nos études, je trouve, c'est une expérience différente, et ça nous offre aussi de nouvelles possibilités de lecture, des livres qu'on n'aurait pas envisagés forcément avant. Donc moi, juste pour le plaisir de livre, de lire et découvrir un peu une autre facette de la vie littéraire, on va dire. Mais pour, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, à l'ULB, on essaye justement de faire l'inverse. Ça a été proposé aussi principalement aux romanistes, mais on essaye d'ouvrir notre comité à toute étude pour justement avoir pas spécialement un avis de personnes littéraires. D'ailleurs, moi, j'étais représentante l'année passée et je fais histoire et maintenant je fais gestion économique. Donc, vraiment. Et on a d'autant plus essayé cette année d'ouvrir encore à plus de gens. Et c'est justement là aussi d'avoir une certaine parité, de ne pas que des personnes qui font des études là-dedans, pour aussi justement avoir un peu plus cet aspect viscéral au roman. Est-ce que ça vous a plu ou pas, foncièrement, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a plu dans l'expérience de l'année dernière qui fait que vous revenez cette année? Qu'est-ce qui vous a... Ben, j'ai trouvé ça super enrichissant aussi. Moi, j'aime beaucoup lire, mais c'est vrai qu'on, je pense qu'on ne prend pas assez le temps de le lire. Enfin, du coup, moi, des romans, j'ai plus l'habitude de lire des articles ou des choses scientifiques, du coup, en rapport avec mes études. Et ça a permis de vraiment prendre une petite bulle, voilà, et de se pousser à lire des choses que j'aurais pas spécialement lues à la base, mais pourtant qui m'ont énormément plu, ou pas. Et des discussions avec plein de gens, c'était super intéressant. Enfin, c'était vraiment très enrichissant à tout niveau humain et aussi de littérature, quoi. Donc voilà. Et vous, par exemple, là, vous avez commencé à lire ou pas des textes, des romans des listes? C'est pour savoir si est-ce que parfois il y a des romans qu'on met sur nos listes et vous vous dites entre vous, mais qu'est-ce qu'il leur a pris? Ils sont complètement ma boule. Ça vous arrive ou... Alors, je peux pas répondre pour tout le monde, mais nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on supprimait au fur et à mesure. Je pense qu'on avait environ 3-4 avis négatifs, mais vraiment négatifs, en mode ça nous a pas plu. On baquait pour arriver du coup à une sélection de plus en plus petite et du coup avoir de plus en plus d'avis sur ça. Mais bon, là, nous, personnellement, on a reçu les livres la semaine passée, donc c'est pour ça qu'on n'a pas encore beaucoup d'avis à donner. Bah, en fait, nous, on vient de l'UCL, et à l'UCL, personnellement, je me suis lancée un peu dans l'aventure pour avoir un débat sur des livres, parce que généralement, on nous fait lire des livres, même pour les cours, etc. On doit lire, et puis voilà, on a une réflexion qui est faite, mais c'est toujours une réflexion individuelle, et on a rarement la possibilité d'avoir un panel de livres à lire et de pouvoir s'exprimer en petit groupe entre nous, et que chacun puisse donner son avis, et qu'à la fin, on dise, ben voilà, non seulement tu as mieux défendu le livre, peut-être tout le monde n'a pas lu, et de donner envie aux autres de le lire aussi, comme vous disiez tout à l'heure, un peu une question de partage aussi qui se fait. Donc voilà, c'était un peu plus nous, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on était partis dans cette optique-là. Et au niveau des livres, j'ai trouvé ça étonnant, pour le moment je suis en train de lire La disparition de Joseph Mengele, et voilà, c'est par exemple un livre que j'aurais personnellement jamais vu dans une sélection concours, mais voilà, pourquoi pas, j'attends de lire la suite pour... oui, pour compléter aussi, je suis aussi à l'UCL, et ce qui m'intéressait aussi dans cette expérience, c'était aussi de lire des livres qui n'étaient pas déjà « validés » entre guillemets au préalable par nos professeurs ou par simplement c'est reconnu comme étant des livres à lire et qui sont des bons livres. Et là, ça nous permettait aussi de nous faire notre propre avis et de l'argumenter sans prendre en compte le fait qu'on nous l'a proposé en cours comme étant un livre de la bonne littérature. Merci. En fait, j'aimerais bien vous poser la même question, parce que bon, je connais un petit peu ce que vous faites, et ça m'a un petit peu étonnée de vous voir dans le jury d'un prix comme le Goncourt, qui consacre quand même une littérature avec un grand L, et je me demande un petit peu, voilà, comment est-ce que vous êtes venue à accepter ça, et pourquoi est-ce que vous trouvez ça important de faire partie du jury? Déjà parce que je suis pas sûre qu'ils consacrent vraiment une littérature systématiquement avec un grand L, parce que c'est impossible, je crois, de savoir ce que c'est que la littérature avec un grand L au moment où elle se produit. L'année de sortie d'un livre, on ne sait pas si dans 50 ans quelqu'un le lira encore, ou dans un autre pays peut-être il sera traduit. Est-ce qu'il aura vraiment une vie de livre littérature avec un grand L, donc avec une... un voyage et dans le temps et dans l'espace, on ne sait pas au moment où on publie un livre. En fait, on va, par exemple, on le voit très bien quand on lit les journaux des auteurs et qu'on voit les écrivains qui étaient très importants à leur époque, mais même il y a 30 ans de ça, hein, ils ont tous disparu. Tout ce qui était absolument incontournable, de bon goût, extrêmement important, Si on lit par exemple le journal de Virginia Woolf ou plus récemment celui de Mathieu Gallet, tous les auteurs importants ont disparu. Donc au moment N, au moment où on parle de ce qu'on, dont on parle, quoi, mais on ne parle pas de la grande littérature, il faut le temps. Point. Enfin, je crois qu'on ne peut pas, en admettant en plus qu'elle existe, parce qu'en plus elle est... Bon. Mais, et du coup, moi ce qui m'intéressait, c'est effectivement, c'est, on est 10, ma voix compte comme celle des autres, et je pense que je peux parfois faire... ou entrer des textes qui ne seraient peut-être pas entrés, parce qu'ils n'auraient peut-être pas été lus ou pas défendus, ou parfois faire influer quand même sur le... Là, je viens d'arriver, donc pour l'instant, c'est pas encore... Mais je me dis, à un moment donné, si je peux influer sur, pour effectivement pas le faire évoluer, parce que leur histoire quand même de Goncourt est une histoire qui marche bien. Ce n'est pas une histoire où on arrive en se disant, bon, je vais essayer de faire remonter la baraque, ça marche bien, hein, les gens sont très contents avec le Goncourt. Donc, mais en tout cas, essayer effectivement de faire entrer des textes qui ne serait pas rentré aussi facilement, parce que je ne suis pas non plus toute, je ne me sens pas seule, paradoxalement, parce qu'en arrivant, je ne savais pas trop comment je me sentirais, mais je ne me sens pas seule, je vois qu'il y a d'autres lecteurs très proches de moi, qui ne sont pas ceux que j'attendais, en fait, et sur, qui ont envie aussi de porter des textes, par exemple, un exemple très précis, d'un jour de réussir à faire rentrer un roman policier ou un polar, vraiment recevant le concours, ce qui n'est encore jamais arrivé. Et je pense que ce genre de choses, je suis pas, ou de science-fiction, parce qu'il y a des choses qui sont encore jamais arrivées, je pense que je ne suis pas la seule à penser que la littérature de genre peut entrer dans le Goncourt. Donc voilà. Mais je suis surprise aussi hein, quand je me vois. Moi, c'est juste par curiosité, mais fin, ça vous prend quand même beaucoup de temps. Vous êtes payé pour faire ça ou c'est bénévole? Non. Et ça nous prend vraiment effectivement beaucoup de temps. Hein. Donc, moi-même... Je te cache pas, enfin je vous cache pas, je sais pas trop pourquoi on fait ça. On mange super bien, on se voit tous les mois et on mange vraiment bien, mais sinon c'est vrai que c'est un peu un... Ouais, parce que ça prend vraiment tout l'été en fait. Mais moi ça me structure je crois, parce que le fait de lire tous les jours, de me dire que je suis en train d'écrire ou pas en train d'écrire, de toute façon le fait de me dire il y a 2-3 heures dans la journée je vais lire, j'ai l'impression que ça structure ma journée plus que ça l'a... Ça l'atteint, parce que j'ai un peu des problèmes de structuration de journée, donc on l'aura compris. Et ça me, je sais pas, ça me plaît, ça me va, quoi. Et le jour où ça m'ira plus, par contre, c'est vrai que j'ai du respect ou bout de l'interrogation quand je vois des gens qui le font depuis 25 ans. Je me dis que c'est 25 ans, tous tes étés, tu lis des romans français. Et mais donc, je verrai avec le temps ce que j'en pense. Mais là, en deuxième année, non, ça m'intéresse beaucoup. À noter aussi que le lauréat du Goncourt reçoit 10 euros, hein. C'est ça, oui. Donc, mais c'est... il mange bien, lui aussi. Il mange bien. donc c'est vraiment une question d'aura beaucoup plus que finalement... Non, pour celui qui reçoit le concours, oui, au-delà de l'aura, il y a une conséquence, normalement. Oui, mais enfin, il y a des prix beaucoup mieux. Et le fait qu'on ne soit pas payé, je pense que de là aussi vient toute une tradition de laquelle, je crois, réellement on est sorti, d'auteurs, effectivement, qui donnaient leur voix à leurs éditeurs pour avoir de gros... En roman, je signe pour un roman et mon éditeur me donne de l'argent. Et c'est vrai que je crois que pendant longtemps, les prix ont été effectivement un peu tenus par des éditeurs qui donnaient très gros avaloirs à leurs auteurs qui étaient dans des jurys pour avoir leur voix à chaque fois pour la maison d'édition. Et ce qui explique qu'il y a quand même une quarantaine d'années où effectivement il y a 3 éditeurs qui se partagent tous les prix littéraires. Et on ne peut pas expliquer ça uniquement par la qualité de leur production littéraire, mais aussi par effectivement... Et ça, j'ai la sensation que ça fait un bout de temps que tous les jurys, et notamment le Goncourt, essayent de sortir de ça, et j'ai l'impression, peut-être ingénue, mais je crois qu'on est effectivement dans autre chose. Et que c'est aussi pour ça qu'on appelle, je crois, des auteurs qui ont de très grosses ventes à être dans le jury, parce que ton éditeur ne va pas te donner 500 euros en plus parce que tu es dans le concours, ça n'aurait aucun sens, quoi. Mais je crois que c'est parce que sinon, pourquoi Emmanuel Schmitt et moi, je pense que c'est une des raisons, était qu'on va être plus indépendant par rapport à nos éditeurs. Je crois, il faudrait demander si ça se trouve les autres du jury. Ce serait désespéré de m'entendre, mais je crois que c'est ça. En tout cas, Pierre Assouline allait dans votre sens l'année dernière, de dire que c'était vraiment plus le cas aujourd'hui. Ils ne vont pas venir en le disant de toute façon. Non, bien sûr, mais la question était... J'ai passé des bonnes vacances, Gaston Gallimard m'a soigné. Mais j'ai la sensation, parce que je vois à peu près ce que les gens votent, parce qu'on vote à voix haute, donc on voit ce que les autres votent. Ce qu'ils défendent et ce qu'ils votent, j'ai l'impression qu'on est sorti de ça, et en tout cas qu'il y a un vrai effort pour aller vers d'autres maisons d'édition qui ne sont pas les nôtres. Après, on est toujours plus attaché au courant de ce qui sort dans sa maison d'édition qu'ailleurs, mais quand même, j'ai l'impression qu'il y a un vrai souci d'en finir avec ça. Ouais. Mais on n'y arrive toujours pas si bien, hein, parce que c'est toujours des grandes maisons d'édition qui le reçoivent, quoi. mais ça viendra, j'ai l'impression que ça viendra. Mais peut-être ce que vous mentionnez de voter à voix haute, c'est la toute dernière question. Le vote et le vote à voix haute, c'est la moins pire des solutions ? On ne change pas les règles du concours comme ça. Donc, de toute façon, c'est comme ça. Et non, c'est intéressant parce que, justement, au CNC, on votait à fermé. On ne savait pas ce que les gens votaient. Tu savais à peu près quand même ce que les gens avaient voté, en vérité, à la fin. Mais le fait de le dire à voix haute, ça te permet quand même de comprendre les uns les autres. Est-ce qu'il y a une cohérence entre ce que tu as défendu tout l'été et ce qui se passe au moment du vote ? Et est-ce qu'effectivement, de vérifier simplement, est-ce que tu votes oui ou non toujours pour ta maison d'édition prioritairement, et du coup tu peux, je pense même si pour certains qui auraient peut-être envie de le faire, ça rend les choses un peu plus compliquées. Et donc je pense que c'est, moi il me semble que c'est une bonne solution, et puis on peut assumer quand même ce qu'on défend, quoi. Les vieux à la belote braillaient. Papy, mamie, tonton André et tous ces pépés à mes petits soins à me pouponner. cachée. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup.